C'est une des rares fois de voir les dirigeants africains face à une puissance qui arrive telle la Russie, et bien sûr s'exprimer dans la langue nationale du Mali, et notamment les Bambara. Ce qu'il a dit à Bambara, en fait, il a d'abord salué la coopération entre le Mali et la Russie qui Non. date de l'ère de l'Union soviétique, de l'URSS. Et cette coopération, il dit bien sûr, c'est depuis 1960 avec l'ancien président Modibo Keïta. C'est très important de rappeler Voilà, cela. c'est une première Parce que chose. n'oubliez pas que l'Afrique a eu la plupart des indépendants d'Afrique, c'était dû à cette guerre froide. Et bien sûr, nous avons perdu encore, en tout cas, nos souverainetés à cause de cette guerre froide. Cette guerre froide entre les deux blocs. Et bien sûr, le président Modibo Keïta du Mali avait opté pour l'URSS. C'était des partenaires très fiables. Afrique Média, le monde, c'est nous.